monde a vu le jour. Une terre vierge de tous ses vices, la domination règne en maître, l'animal tue pour protéger ses fils. Les dinosaures ont vu la comète et l'extinction promise. L'homme a pris le relais pour diser sa terre promise. Dominée pour humilier, voilà le passe-temps de nos ancêtres. Nos enfants portent les stigmates et se cachent dans nos enfêtes. Je pense aux descendants des béquets. J'envoie tout mon soutien aux Martiniquais. Dominer, c'est regarder l'Afrique dans les yeux pendant que la dinde rôtit au four et tout ça en louange à Dieu. C'est votre vision des faits. Moi, la mienne est différente. Ils pensent dominer sur cette terre, mais dans l'autre monde, beaucoup d'échanges n'auront un chantier. Les banquiers déposèrent placo. Manque plus que l'équipe des bras cassés aux potes à Sarko. Sarcasme et poudre aux yeux. Je connais vos tours de magie, mais tout se paye et se règle. Un jour, j'imagine. Ouh, je crie au loup, mais les gens m'entendent pas, je m'en sors pas. Et tous mes rêves s'éloignent quand je m'endors pas. Encore mal, quand l'intention manque que les cons tapent. Les fausses barres des cons fâches, ils sont tous des cons rares. Comment faire sa place dans un espace où je les entends se pousser? Je suis à l'étroit, je les entrevois, ça devient sournois à bouger. C'est inutile, un projectile qui vise un grillage. C'est facile, faire du bruit, pas de grizzly derrière ton pelage. C'est sauvage comme le mensonge enfouit la vérité. Les hommes, mes cœurs, y'a plus de valeur ni de sensibilité. On me caresse l'épaule, on me dit t'es gentil, reste. Mais qui est-ce qui se cache derrière ce semblant de gentillesse? La finesse de ma bonté, pas le temps de la raconter. J'ai trinqué avec la déception pour pouvoir l'estomper. J'ai volé de mes propres ailes, avec ou sans oseille. Enfoiré, j'ai plus besoin de toi, c'est rationnel. On a la salive qui coule au coin des lèvres. On s'efforce à vivre pour pas qu'on chavire. On a le sourire en fève, on gravit les échelons. On se torture les esprits, la nature, ma culture, une piqûre de sociologie. Ouh, je crie au loup, mais les gens m'entendent pas, je m'en sors pas. Et tous mes rêves s'éloignent quand je m'endors pas. Encore mal, quand l'intention manque que les cons tapent. Les fausses barres des cons fâches, ils sont tous et des cons rats. Je revois cette flamme d'ado pouvoir toucher mes rêves de gosse. Je me sens comme Diego Maradona avant ses pleines de drogue. Retrouver la gaule au réveil, flow qui pète la forme. Je perds le nord, le rap me saoule tel un verre de rhum. J'ai croqué la pomme, j'entends les crocs que Steve Jobs. Un peu trop hip-hop comme à l'époque de Chris Cross. Cherche une mine d'or comme Daryl dans une ville morte. Signe des oreilles, visionne-moi comme un film gore. J'nique ta cote, MC ton rap frôle l'anorexie. Jour idéal pour vous montrer que le hardcore existe. Comme un crack boursier que le monde entier pardonne mes crises. Mon art tout le fond par les matés, l'alcool est vide. Déterminé comme les mécruettes de grignissante. J'rentre en action, reversez-moi toutes mes dividendes. J'vois la vie en noir et blanc comme ce gars du Easy Gang. En vieillissant, devenir le boss d'un empire immense. Ouh, j'crie au loup, mais les gens m'entendent pas, j'm'en sors pas. Et tous mes rêves s'éloignent quand j'm'endors pas. Encore mal, quand l'intention manque que les cons tapent. Les fausses barres des cons fâches, ils sont tous et des cons rats. Amoureux du rap, j'grattais des textes pendant les cours de maths. Les premiers bacs, c'est comme les premiers pas, poto, j'm'en souviens. On chante quand ça dérape, on chante quand la vie tacle. On chante aussi le bonheur et quelques textes qui n'enchantent pas ces dames. Assez tard en contemplant la lune, un calume et t'allume. Un première classe dans le Walkman, le macadam s'évapore dans la brume. De Colombe et la plume en costume sont les textes qu'ils rappèrent. C'est l'art de ceux qui voyagent loin en gardant les pieds par terre. Lance le beat, on va te faire ça comme les b-boys d'antan. Ambiance électrique dans nos rimes explicites que t'entends. Beatbox, acapella, break, graph, slam. Un petit gosse nommé Kima, il perd du rap vers le travail. Pousse, dose, les bons flows, sois carré dans tes proses. Les causes que tu prônes reflètent tes combats, tes icônes, tes envieurs. Moi je propose un mêlé opposé. Toutes sortes de choses et choses, essayez d'en chailler pendant que je donne mon blues, brother. Ouh, je crie au loup, mais les gens m'entendent pas, je m'en sors pas. Et tous mes rêves s'éloignent quand je m'endors pas. Encore mal, quand l'intention manque que les cons tapent. Les fausses barres des cons fâches, ils sont tous des cons rats. Tu peux chanter la vie que tu rêves, tu peux la vivre aussi. Tu peux cacher tous tes problèmes, tu peux les dire au psy. Moi j'ai choisi de faire ce que j'aime, à Razoxy, sans peroxyde, ni plaire au père de ceux qui se plaisent à faire merder nos petits. Comprendre, autant parler de la misère au bourge, fidèle au bourg. J'ai vu des bougs cramer la vie par les deux bouts. Moi je faisais des miracles d'un bout de ficelle. J'appelle au loup, mais je le vois moins que ma tête au Louvre. Je l'ouvre pour ma Vox Agora sous l'eau comme un Zoracora. Pas de blême devant le Coran, la Bible, la Torah. Faut pas gratter des vers sévères sans assumer. Faudra pas te laisser faire, frère, veulent t'enrhumer. Je combats du soir au matin, je tape un col, un maillard au bord du ravin. Comme un arrière-goût de pur, je conçois pas les débats communs. Je pense à l'Eldorado comme un gamin, à l'écartel, un cowboy. Ils sneak tous pour un podium, à quand la tunique en peau d'homme. Ouh, je crie au loup, mais les gens m'entendent pas, je m'en sors pas. Et tous mes rêves s'éloignent quand je m'endors pas. Encore mal, quand l'intention manque que les cons tapent. Les fausses barres des cons fâches, ils sont tous et des cons rats. Ouh, je crie au loup, mais les gens m'entendent pas, je m'en sors pas. Et tous mes rêves s'éloignent quand je m'endors pas. Encore mal, quand l'intention manque que les cons tapent. Les fausses barres des cons fâches, ils sont tous et des cons rats.